prenez McKinsey. Pourquoi qu'ils ont laissé sortir des scandales? C'est caché en pleine lumière. Maintenant que ça a sorti dans les médias, puis tout, on n'en parle plus. Prenez le scandale qu'il y a eu en France de McKinsey. On n'en parle plus, mais c'est encore eux autres. C'est encore eux autres, les consultants. C'est encore eux, là. Bon. Puis prenez... c'est tout lié. Vous avez... le fascisme, c'est une fusion entre un régime puis des corporations, entre autres. Ça n'a jamais été présenté comme ça, mais c'est réellement ça. Donc, c'est des compagnies qui mènent les pays. C'est des compagnies qui mènent. On a remplacé, ben c'est ça qui vivra verra. C'est la finance qui a pris le contrôle des États. Prenez, ça a commencé, Mademoiselle Poisson. Mademoiselle Poisson, c'est qui ça? C'est la Pompadour qui a été dressée comme un petit chien puis lancée dans les bras de Louis XV. Un peu plus tard, là, sous Louis XVI, les États généraux, Necker, on endette le pays exprès, là, on s'arrange pour que, et ainsi de suite. C'est des banques qui mènent. Puis, il y a quelque chose d'un darwinisme là-dedans, dans le sens où ils s'en viennent créer, c'est-à-dire les petites banques vont être éliminées. Aux États-Unis, il va finir, il va rester quelques banques. Il s'agit de savoir lesquelles. Une personne à Londres, comme beaucoup d'autres. Prenez la supposée révolution islamique en Iran. Il avait été étudié où, Khomeini? Hein? Mao, il étudie où? Hein? Même Sri Aurobindo, il étudie à Londres. Gandhi étudie à Londres. C'est un avocat de formation. C'est ça. Oui. L'instrumentalisation du peuple, c'est ça une révolution. Donc, la Révolution française, honnêtement, c'est un des événements les plus importants des derniers siècles. Ce que ça représente, si vous le dites. Ben oui, je ne vais pas nier que c'est important. Ben oui, c'est comme si je m'en vais me faire battre dans une ruelle puis violer, je vais dire que c'est un événement important. Non, ça va être un événement important dans ma vie. Fait que la Révolution française. La Révolution française, elle n'a pas été pensée d'abord en Angleterre et en Hollande. En Suisse, peut-être un peu aussi. Oui. Puis par rapport à ces affaires-là de prise de contrôle des suffrages, puis ces rapports avec des corporations multinationales, c'est lié à le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Les barbares, en somme. La civilisation occidentale, c'est gréco-latin, point. Tout le reste, là. Tout le reste. Hein, surtout ceux du Nord, qu'on nous met tout le temps en exemple, là. Qu'eux autres, ils se préservent pendant que... Comme la Suède, la Finlande, la Norvège. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Là. Pendant que toute l'Europe fonce dans les énergies vertes, l'Angleterre recule. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Puis ils n'ont pas embarqué non plus dans l'euro. D'ailleurs, il y a eu un référendum. Les Français étaient contre. Et où la démocratie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La démocratie, c'est un emballage qu'on nous vend.